Hermine. Séminaire de recherche sur les minorités nationales et les ethnicités. Au Centre de recherche bretonne et celtique de Rennes. Je pense, voilà. D'accord, je fais une thèse sur l'image romantique de la France chez les Chinois. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'image de Brest chez les Chinois qui résident. Et surtout pourquoi Brest ou la Bretagne ne peut pas être porteur de cette image romantique de la France pour les Chinois de nouveau. Donc, en Chine, quand on parle de la France, dans les médias ou par la publicité, le qualificatif que l'on ajoute quasiment systématiquement, sans réflexion, c'est romantique. Dans cette image collective chinoise de la France romantique, c'est Paris qui prend presque tout le poids de cette vision. Dans notre étude, il ressort que notre enquêté chinois vivant à Brest ont une perception ambivalente de cette ville. Nous interrogerons cette ambivalence et nous nous demanderons alors quels facteurs permettent d'expliquer la présence de ces Chinois dans cette ville. Nous constatons également une disparition ou une diminution de la vision romantique de la France chez les Chinois séjournant à Brest. Nous avons donc une double question. Que signifie romantique pour ces Chinois? Dans un premier temps, nous allons exposer l'image que les Chinois interviewés ont de Brest et de Paris, puis nous détaillerons les éléments de décision dans leur choix de séjour en France pour comprendre l'ambivalence entre leur présence à Brest et leur perception qu'ils en ont. Ensuite, nous chercherons la signification de la France romantique, ou bien juste le sens de romantique pour les Chinois. Enfin, nous tenterons de comprendre les raisons pour lesquelles la vision d'un romantisme français est liée à certains phénomènes de la société chinoise. Ces deux dernières parties de notre exposé expliqueront pourquoi c'est Paris qui, dans les représentations des Chinois d'aujourd'hui, porte tout le poids du romantisme de la France et pas Brest ou la Bretagne. Donc, beaucoup d'enquêtés ne connaissaient pas du tout Brest avant d'arriver en France ou de concevoir le projet d'y venir. Brest ne bénéficie donc pas de grande réputation dont jouissent les villes comme Paris, Bordeaux, Marseille ou Nice. Si l'on demande aux enquêtés chinois de résumer leurs images de la ville de Brest, ils ne parlent sûrement pas d'une ville romantique comme Paris. Néanmoins, Brest est très souvent perçue comme une petite ville tranquille et agréable à vivre. Il ne faut pas négliger que le sentiment de satisfaction de certains Chinois interviewés vient de leur philosophie se plaindre, c'est créer des problèmes pour soi. Petite ville est un sentiment évoqué de façon récurrente chez les Chinois interviewés. Cela apparaît par différents aspects. Taille de la ville, largeur des rues, nombre de passants dans la rue, diversité des choix pour les produits de consommation, niveau de célébrité en Chine, etc. Même si, par rapport aux villes chinoises et à la question de la différence de niveau de vie, la notion de petite ville ou grande ville n'a pas beaucoup de signification en France. Petite peut tout de même avoir une connotation négative pour certains à cause de la carence des services ou des animations commerciales. Car pour beaucoup de Chinois, ou encore plus pour les Chinoises, le shopping est leur loisir principal en Chine, où les magasins sont ouverts partout 7 jours sur 7. Ainsi, le dimanche à Brest peut leur apparaître particulièrement ennuyeux en raison de la fermeture des commerces et la diminution des transports en commun, ce qui constitue une grande incompréhension chez ces Chinois. De l'autre côté, cette ville tranquille est moins papillonnante et moins encombrée que les villes chinoises ou d'autres grandes villes françaises. Cette tranquillité offre une meilleure ambiance pour les études et correspond au goût personnel de certains qui y sont installés en famille. Donc selon eux, une grande ville pourrait leur donner plus de choix dans les produits asiatiques, plus d'opportunités dans leur carrière, plus d'amis, etc. Mais ils préfèrent tout de même Brest où ils ont moins le sentiment d'être flottants et d'être oppressés par un rythme de vie trop rapide. En ce qui concerne les habitants locaux, ils sont considérés comme sympathiques et sincères. Les Chinois interviewés trouvent également que les relations qu'ils entretiennent avec les Brestois sont plus simples et moins froides qu'ils ont connues ailleurs. Une chose concernant les Brestois qui importe beaucoup à nos enquêtés chinois, c'est leur attitude amicale. En effet, ils ne sentent pas de rejet de la part des Brestois, car à aucun moment nos enquêtés n'oublient qu'ils vivent en dehors de leur pays natal. Ils sont donc très satisfaits de cette tranquillité des relations avec des Brestois. D'ailleurs, beaucoup d'enquêtés apprécient l'environnement naturel sain de Brest par rapport aux grandes villes. En effet, l'air non pollué est une remarque récurrente de nos enquêtés quand ils parlent de Brest, ce qui explique par le fait qu'elle est près de la mer. De ce point de vue, beaucoup éprouvent un sentiment contraire en parlant de Paris, la ville tant rêvée avant leur arrivée en France. Si nous résumons les propos de nos enquêtés, tout le monde veut voir Paris avant d'arriver en France. Cette ville Saint-Paul est sans grande surprise la capitale du romantisme, de la mode, de l'art, de la culture, de l'amour, etc. En somme, la première ville à visiter en Europe pour les Chinois. Mais après qu'ils ont visité les quelques sites incontournables que nous voyons beaucoup dans les médias chinois ou dans les publicités touristiques chinoises, ils considèrent Paris comme décevant, sale, cher et insécurisé. Car il n'y a pas là-bas que, je cite, les Français de souche. D'ailleurs, je cite aussi, à Brest, il y a moins de soucis avec les Arabes par rapport à Paris, disent certains enquêtés avec la responsabilité qui leur appartient. Les Bretons, eux aussi, font partie des minorités ethniques, n'est-ce pas? Mais cela n'empêche pas les jeunes Chinois qui ont été en préparation linguistique à Brest d'avoir surtout envie d'entrer dans une université parisienne. Les universités parisiennes sont aussi reconnues par les Chinois que la ville. D'ailleurs, la réputation de ces universités aura une valeur symbolique ou réelle pour ces étudiants chinois plus tard, lorsqu'ils seront dans le marché de travail chinois. Certains enquêteurs ont l'impression que les étrangers ne sont pas très nombreux dans la région brestoise. Brest est donc, selon eux, plus européenne, plus française et moins internationale que Paris. En ce sens, elle n'est pas très influencée par les cultures des autres pays. Ainsi, nous avons survolé l'image de la France que ces enquêtés ont formée à travers leur vie à Brest. Comme nous l'avons dit dès le départ, Brest n'est pas une ville connue en Chine. Et la plupart de nos enquêtés ne connaissaient pas cette ville avant la préparation de leur séjour en France. La question est donc, comment sont-ils arrivés à Brest ? Cette question implique celle-ci. Comment ont-ils choisi la France? Nous constatons que les départs vers la France de nos enquêtés chinois sont souvent liés à leurs états d'esprit et à leur état de vie en Chine. À ce point, nous pouvons distinguer deux genres de départs, le départ vers la France et le départ à l'étranger. Les enquêtés chinois que nous avons interviewés se trouvent plutôt dans le deuxième cas. Le fait de venir en France représente avant tout une nouvelle découverte à l'étranger. Le pays d'atterrissage peut bien être la France ou un autre pays. Ensuite, il y a évidemment d'autres éléments de décision qui déterminent le choix du pays. En tout cas, les représentations qu'ils ont de la vie en Chine sont souvent un élément de décision pour partir à l'étranger et surtout pour quitter leur pays. À ce sujet, nous considérons que trois éléments jouent un rôle important. La représentation de la vie en Chine, l'agence intermédiaire en Chine et l'attirance économique et symbolique de la France. La première chose qui influence les Chinois interviewés est leur représentation de la vie en Chine. Cela englobe beaucoup d'aspects. Le fonctionnement dans l'éducation supérieure, l'ambiance dans le travail, l'environnement naturel, etc. Nous allons détailler seulement les aspects de l'éducation et du travail, car ce sont souvent les situations insatisfaisantes dans ces deux aspects qui encourage ces Chinois à partir à l'étranger. Pour commencer à parler de l'éducation supérieure du point de vue des jeunes Chinois, il est nécessaire de rappeler que le système éducatif en Chine est ultra concurrentiel. Il est vrai que les études ont toujours joué un rôle important pour la réussite professionnelle et l'ascension sociale en Chine. Depuis 1999, la Chine a lancé la massification des universités et l'augmentation des recrutés. Le taux de recrutement atteint presque 70% en 2006. Je cite, « La question n'est plus d'entrer dans une université, mais dans une université prestigieuse. Que ce soit les parents chinois ou les enfants chinois, ils espèrent entrer dans une université connue. Car les universités connues signifient une meilleure équipe d'enseignement et une meilleure ambiance. Donc, plus de valeur dans la société pour les jeunes qui y étudient. » Voilà une explication très concise de la psychologie des Chinois au sujet des universités connues. Actuellement, avoir un diplôme de licence n'est plus aussi valorisant que dans les années 80. Ainsi, il existe en Chine un phénomène paradoxal. Je cite, « Le diplôme universitaire n'est plus que jamais nécessaire pour trouver un bon travail. Bonjour. Mais il est aussi de plus en plus insuffisant. » Fin de citation. Face à ce paradoxe qui défavorise le diplôme de licence en Chine, deux phénomènes dérivés arrivent en amont et en aval des études de licence. Avant les études de licence, le fait de ne pas pouvoir entrer dans une université prestigieuse est considéré comme un échec. Ce résultat pousse les jeunes à soit entrer dans une mauvaise université à contre-cœur, soit à se faire dorer en obtenant un diplôme occidental. Une analyse des scores obtenus au Gaokao, c'est le concours d'entrée à l'éducation supérieure en Chine, indique que, je cite, une proportion notoire des étudiants chinois en France ne pouvait pas être admis dans les meilleures universités chinoises. Fin de citation. Après l'obtention d'un diplôme de licence, de plus en plus d'étudiants continuent leur formation en master ou en doctorat, qui sélectionnent également par un concours hautement concurrentiel. Ainsi, le projet d'études à l'étranger présente une autre possibilité ou même un dernier secours, comme explique un doctorant de 30 ans en biologie à Brest au sujet de son départ en France. Juste un peu avant la fin de mes études en licence, les gens de ma promo, comment dire, rêvaient d'un avenir radieux. On rêvait, mais bon... C'est évident, si on peut avoir un bon travail avec le diplôme de licence, qui veut passer le concours d'entrée en master? Si on peut réussir le concours de master, qui veut aller à l'étranger? Vu que j'ai échoué au concours et que j'étais un peu déprimée, ma mère m'a proposé d'aller à l'étranger. Et moi, j'étais d'accord, sans trop de réflexion, car je voulais aussi changer d'air. Le départ à l'étranger devient une autre solution qui peut être difficile ou facile en même temps. Cela peut être difficile parce qu'un tel projet demande une capacité financière de la famille. Si l'étudiant ne participe pas à un programme étatique et ne bénéficie pas des bourses d'État chinois, c'est la famille qui doit tout payer. Les frais de services intermédiaires, d'apprentissage de la langue, ensuite les dépenses des études et des séjours. En même temps, étudier à l'étranger peut être aussi un projet facile, car la sélection pour entrer en licence ou en master en France est nettement moins concurrentielle qu'en Chine. Puisque la sélection au sein du système universitaire chinois représente une grande pression et incertitude, partir à l'étranger, dont la France fait partie, est un plan coûteux mais favorisant. Pour comprendre la présence de nos enquêtés en France, il faut aussi prendre en compte les représentations du travail et des relations interpersonnelles en Chine. Certains de nos enquêtés possèdent déjà une vie stable en Chine, mais ils ne veulent pas suivre un mode de vie stable tout de suite. Ils ont envie de découvrir d'autres choses à travers les voyages et les séjours à l'étranger. Comme le révèle une maxime chinoise populaire, il faut lire 10 000 livres, parcourir 10 000 li. c'est une unité de distance. Bah, je pense que un copain il m'a demandé ça veut dire quoi l'île. Le voyage est donc important dans le processus de compréhension du monde. Je cite un passage d'un chinois d'RBB. Mes amis ne comprenaient pas du tout pourquoi j'ai tout abandonné pour revenir en France toute seule. J'avais un diplôme favorisant, un travail stable, mais moi j'avais 23 ans, je n'avais pas envie que ma vie soit une succession d'études, de travail, de mariage, d'installation. La vie est courte, j'ai envie de voir d'autres choses. Dans d'autres cas, l'idée de partir à l'étranger est directement liée à l'accumulation de fatigue physique et mentale dans la vie professionnelle en Chine. Il y a ce que les Chinois appellent la fatigue de cœur, qui correspond à un état dans lequel l'esprit ne peut pas être tranquille. Ils évoquent le mélange de la vie professionnelle et de la vie privée. Ainsi, il est fort possible et normal dans la société chinoise qu'une personne passe son week-end à entretenir les relations sous la forme de repas ou d'autres choses. Donc ces repas, selon les propos des Chinois interviewés, ne représentent pas un moment de détente ni de plaisir. Ce sont des repas d'entre gens qui ont surtout pour but de créer des réseaux et de les maintenir pour des raisons professionnelles ou autres. Ces repas sont alors d'un engagement obligatoire ou volontaire dans les activités sociales. À l'occasion d'un banquet, savoir boire et manger est un atout ou même un savoir-faire qui favorise les rencontres et la réussite des affaires. Si l'on caricature, les Français boivent pour leur plaisir personnel, les Chinois boivent pour les autres. Une autre caractéristique de ces repas est qu'ils occupent souvent les moments censés être personnels, le soir et le week-end. C'est tout à fait courant et habituel qu'un homme d'affaires ou un fonctionnaire chinois passe plusieurs soirées de la semaine dans les banquets d'entre gens. Comme nous l'avons déjà dit, ces repas ont souvent aussi pour but d'entretenir des réseaux sociaux. En d'autres mots, les gens ne se réunissent pas pour un projet professionnel précis. Pourtant, l'ambiance n'est pas tout à fait personnelle. Souvent, les informations au sujet de travail circulent ainsi à petite échelle dans les repas. Ces repas représentent-ils des relations personnelles ou professionnelles? La frontière n'est pas claire, car la vie quotidienne des Chinois fonctionne en creux avec le Guanxi, une notion complexe qui associe les relations interpersonnelles, les réseaux sociaux et la face. Le Guanxi est un phénomène incontournable de la société chinoise. Il se présente sous la forme des liens informels, personnels, basés sur une forme de réciprocité. Il modèle la société par des liens affectifs et éthiques dont la matérialisation s'effectue par le biais de signes extérieurs comme les cadeaux ou les banquets. Le but recherché au travers des Guanxi est d'assurer une cohésion sociale harmonieuse. Fin de citation. Le Guanxi est invisible et il est basé sur les shouren, c'est-à-dire les connaissances. Les Guanxi complexifient d'une certaine manière le fonctionnement de la vie en Chine, car ils jouent un rôle parallèle aux démarches officielles qui sont visibles et qui fonctionnent entre les inconnus. Pour les Chinois interviewés, en France, les démarches administratives semblent plus régularisées et transparentes que ce double fonctionnement en Chine, du Guanxi et des démarches officielles. Je cite des propos des enquêtés. Certains Chinois se plaignent beaucoup de l'administration française, le travail est lent, les gens traînent, etc. Mais c'est plus simple ici, ce sont les mêmes démarches pour tout le monde. Si c'est faisable, on fait selon les démarches. Si ce n'est pas faisable, on n'a pas besoin de chercher les Guanxi ni de payer plus pour faire n'importe quoi. Le Guanxi n'est pas simplement une question d'entraide entre les connaissances. Souvent, c'est aussi une affaire d'argent par le réseau des connaissances. C'est là où la frontière entre le recours au Guanxi et la corruption est floue. C'est pourquoi en Chine actuelle, il est fréquent de voir utiliser le Guanxi et l'argent pour, par exemple, entrer dans une université dont un jeune n'a pas la note d'admission, ou aussi entrer dans une unité de travail quand une personne a plus ou moins les mêmes compétences que les autres candidats. Une autre notion fondamentale dans la vie et dans les relations interpersonnelles en Chine est la face. On entend beaucoup de termes liés à la face en Chine, comme gagner de la face, perdre de la face, donner de la face aux autres. Par exemple, gagner de la face est l'acte par lequel un acteur social essaie d'augmenter sa propre valeur sociale. Selon Zhong Lihua, si tout être humain a une tendance de vouloir produire une bonne image de soi devant les autres, les Chinois se soucient encore plus que dans les autres cultures, de l'image qu'ils donnent. Parce que, je cite, la culture chinoise est centrée non sur l'individu, mais sur son environnement, c'est-à-dire sur le groupe auquel il appartient et auquel il s'identifie. L'homme n'y est pas tout à fait défini par lui-même, mais en partie par les gens formant avec lui un réseau de rapports, sa famille, ses relations sociales ou professionnelles. De ce fait, la convergence avec un groupe constitue à la fois un moyen d'en acquérir l'approbation et une crainte sociale. Fin de citation. Ce qui est aussi très marqué dans les rapports interpersonnels en Chine, c'est la hiérarchie omniprésente. Enfin, entre les Guanxi, la question de la face, les rapports de domination, nous pouvons dire que les relations interpersonnelles en Chine ne sont pas faciles. En fin de compte, partir à l'étranger, et a priori en Occitan, peut représenter un moyen de fuir des fonctionnements omniprésents et complexes. Nous considérons que le deuxième élément pour expliquer le choix de la France est le recours aux agences intermédiaires privées en Chine. Quand les Chinois préparent un séjour à l'étranger, la méconnaissance du système éducatif des autres pays, l'incapacité linguistique pour contacter un établissement étranger directement, le manque de réseaux sociaux pour prévoir le logement à l'étranger, etc., les empêchent de préparer seuls leur départ. Les services de l'agence intermédiaire englobent exactement ces besoins. Les agences donnent des renseignements concernant des pays étrangers, proposent des projets de départ, communiquent entre l'établissement étranger ciblé et les clients chinois, effectuent des formations linguistiques pour passer le TCF, le test de connaissance du français, préparent l'obtention du visa, qui comprend l'attestation de logement, traduction des documents, formation pour l'entretien, etc. Et à la fin, ils accueillent les clients à l'aéroport à l'étranger. Dans la plupart des cas, les clients suivent les indications de l'agence dès la première étape de coopération avec elle, c'est-à-dire dès le choix de la destination. Ces agences ont commencé à se développer en Chine à la fin des années 90, quand de plus en plus de Chinois ont pu partir faire des études ailleurs. Un chercheur chinois, Luo Xibin, a dévoilé des aspects problématiques des services intermédiaires en Chine actuelle. Premièrement, en général, les employés de ces agences ne sont pas du tout qualifiés pour leur travail. Ce chercheur considère que les personnes qui travaillent dans ce domaine devraient avoir reçu une longue formation. Elles seraient idéalement spécialistes en langue étrangère ou en droit, et aurait eu elle-même des expériences à l'étranger. Or, dans le cas réel en Chine actuelle, la majorité des employés des agences intermédiaires ne correspond pas à ces exigences. Et elle n'est pas dans son domaine professionnel de départ. D'ailleurs, il n'existe pas encore de formation universitaire pour ce nouveau métier en Chine. Deuxièmement, les agences se projettent uniquement vers les profits à court terme et manque de perspectives pour se développer à long terme. Ainsi, sans estime pour leur propre réputation, elles ne craignent pas les escroqueries dont peuvent être victimes leurs clients. Je cite un passage de notre enquête. Je n'y connaissais rien. Pour moi, les pays occidentaux sont tous pareils. Ma copine a écouté les conseils de l'agence intermédiaire. Toi, tu connais la Chine aussi. Ils te sollicitent vers les directions qui les arrangent, un peu comme les entremetteurs de mariage. S'ils ont des offres universitaires françaises, ils te poussent vers la France. Ben, c'est simple, si tu pars, ils gagnent le frais de service, sinon, ils gagnent rien. Quand on prépare un séjour à l'étranger, il faut évidemment réfléchir au coût des études et de la vie à cette époque-là, 2000. La France et l'Allemagne étaient très à la mode comme destination. Il n'y a pas de frais pour les études, ce sont des pays dont la langue était rare pour les Chinois et c'était facile d'obtenir le visa. Mais la mode d'aller en Allemagne était en train de passer. La France était la destination la plus populaire, car il était très facile d'y obtenir un visa. En fin de compte, tout est lié au fonctionnement des agences intermédiaires. Enfin, chaque année, environ 200 000 étudiants chinois sortent de la Chine. Il existe en mai 2012 448 instituts de services intermédiaires officiellement reconnus par l'État chinois. Le besoin du marché séjour à l'étranger est loin d'être satisfait ou saturé. Il est important d'améliorer et de réglementer ce secteur des services intermédiaires. Le troisième élément qui joue dans la décision de départ est l'attirance économique et symbolique de la France. Quand nous parlons de l'attirance économique, cela signifie la dépense. En effet, partir à l'étranger implique tout de suite des dépenses coûteuses. Souvent, les frais de service intermédiaire correspondent à un montant de 3000 euros, ce qui est déjà assez important pour une famille chinoise ordinaire. Mais ce coût ne comprend pas les frais de formation linguistique. Et enfin, la part la plus importante des dépenses vient de la vie quotidienne et des études à l'étranger. Les idées des Chinois interviewés sur le départ vers la France sont variées, mais leur point commun est la place de la France dans leur esprit. La France se situe quasiment systématiquement en deuxième plan de destination, derrière les États-Unis ou l'Angleterre, qui possèdent les universités les mieux classées mondialement. Selon le classement de Shanghai, la France n'est classée qu'au sixième rang des pays et est précédée par les États-Unis, le Royaume-Uni, mais également par l'Allemagne, le Japon et le Canada. Un meilleur classement signifie une plus grande valorisation du diplôme obtenu sur le marché de travail en Chine. Nous avons donc constaté une préférence pour les pays anglophones chez les enquêtés. Donc, je donne un exemple. Je voulais étudier en Angleterre. Par contre, les frais d'études y sont trop élevés. Et c'est encore pire aux États-Unis. La France a plus d'universités publiques. En plus, elle présentait des avantages comme les allocations, les aides. Je me suis dit, pourquoi pas la France? Elle est proche de l'Angleterre en plus. Vu que je n'avais pas d'objectif précis, il fallait mieux aller à un endroit facile et pas trop cher. La France convenait à ces critères. Pour les enquêtés qui n'ont pas d'objectif précis, comme ils le disent, un départ synthétise de nombreux éléments de réflexion. Les plus-values du séjour par rapport à la réalisabilité du projet, au coût du séjour, aux facilités d'obtention du visa du pays désiré. D'un point de vue de la dépense, la France possède plusieurs points positifs. La gratuité de l'université, les aides au logement et les remboursements des frais médicaux. Ce qui réduit considérablement le coût de la vie et des études en France. Par exemple, les frais d'inscription dans les universités françaises sont parfois même moins chers, en équivalent euro-yuan, que les inscriptions dans les universités chinoises. Cet aspect financier constitue un énorme avantage de la France sur le pays anglophone. Nous constatons que le coût de l'éducation et de la vie en France compense l'attractivité internationale moins forte que ce pays par rapport aux pays anglophones. De la même manière, le coût relativement bas à Brest compense l'attractivité moins forte par rapport aux d'autres grandes villes françaises qui sont plus connues par les Chinois. La réflexion peut être différent quand il s'agit des enquêtés ayant des diplômes de français en Chine, ou de ceux qui sont dans le domaine de l'art, ou bien des enquêtés qui avaient une raison précise de départ. Je donne deux exemples. Quand j'étais en master de français en Chine, notre université avait un programme d'échange avec Brest. c'est-à-dire Master 1 en Chine, Master 2 en France et Master 3 en Chine. Parce que Master en Chine, ça dure 3 ans. Et peu importe que l'on obtienne ou pas le diplôme de Master 2 en France, on peut retourner en Chine pour continuer en Master 3. Nous avons tous le droit de faire la demande de départ en France, sauf si la famille ne peut pas supporter le séjour financièrement. Dans ce cas-là, les gens n'y participent pas. Dans un autre cas, c'est je travaillais dans le domaine de la voile en Chine. Du coup, je voulais venir en France pour en apprendre plus sur les voiliers. Donc la France est aussi considérée comme le pays très important économiquement de l'Europe. Elle est située au même niveau que l'Allemagne. Pour nos enquêtés, ces deux pays offrent une éducation supérieure de bonne qualité et sont meilleurs que les autres pays européens. Par exemple, donc, puisque je dois tout payer avec mon épargne, les pays anglophones sont vraiment trop chers. Qu'est-ce qui reste ? La France seulement. L'Italie ou l'Espagne ne me paraissent moins bien que la France. Disons que l'ordre pour moi est l'Angleterre, la France ou l'Allemagne. Et ensuite l'Espagne et l'Italie. Au final, j'avais pas d'autre choix que la France. Ainsi, à travers la description des propos de nos enquêtés chinois, nous pouvons voir quelle est la place de la France parmi les pays occidentaux dans les représentations chinoises. Ces éléments d'évaluation illustrent la logique hiérarchique des Chinois. En effet, nous voyons de nombreux forums sur des sites internet chinois où les gens cherchent un classement des universités françaises ou étrangères. Ce classement presque systématique des universités, des villes, des pays va servir plus tard dans leur recherche de meilleurs rapports qualité-prix et la valeur maximum de l'expérience. Ce raisonnement est aussi bien produit pour l'étranger que pour la Chine. Une anecdote illustre parfaitement cette logique. Pendant une conversation avec un Chinois venant d'arriver en France, il a bien deviné mon âge, parce qu'il savait que j'étais doctorante. J'ai plaisanté en disant que je suis peut-être un génie qui fait une thèse à 22 ans. Il a répondu en plaisantant aussi, « Si tu étais un génie, tu serais dans une grande école à Paris, pas dans un petit endroit comme Brest. » Blanc, oui. La perception de l'excellence d'une personne est ainsi liée à sa ville de séjour. Parmi les étudiants chinois que nous avons rencontrés à Brest, beaucoup avaient en tête Paris comme destination après leur formation linguistique. Mais ils sont aussi préparés pour les universités des autres villes, car souvent les universités parisiennes sont difficiles à atteindre. Les villes des pays de destination, les villes, sont classées comme les écoles et les universités. Il est difficile de trouver le cheminement exact de cette logique pragmatique, mais nous pouvons constater qu'elle s'accorde avec le classement existant dans les structures scolaires chinoises. Au fil des années, cette logique de classement est intériorisée par les gens, parce qu'ils ont d'abord vécu dans ce système hautement sélectif, encadré de classement. Ils ont toujours été évalués, jugés selon des classements. Ensuite, le système est devenu un mode de pensée. Plus tard, c'est à leur tour de cataloguer les choses et les gens selon un classement. À part l'avantage du faible coût de la vie en France, l'acquisition d'un atout professionnel et l'image positive du pays ont aussi influencé nos enquêtés dans le choix de cette destination de séjour. En effet, la compétence linguistique dans une autre langue que l'anglais peut constituer un atout professionnel en Chine, où l'enseignement de l'anglais est maintenant largement répandu, mais très peu d'écoles secondaires disposent de capacités et de ressources suffisantes pour enseigner une autre langue étrangère que l'anglais. Ainsi, la maîtrise du français peut être un avantage qui facilite la recherche d'emploi en Chine. Par contre, la faiblesse de la maîtrise linguistique peut placer les Chinois étudiants comme immigrés qui se trouvent en France dans une situation de vulnérabilité. Enfin, l'image séduisante de la France conduit nos enquêtés vers ce pays. Une enquête publiée dans le journal Xinjiang de novembre 2004 nous démontre que, dans l'opinion publique chinoise, la France est très bien placée par rapport aux autres pays européens. La majorité des répondants n'ayant jamais franchi la frontière chinoise, la France leur semble le pays le plus accessible, le plus attirant des pays européens. Les personnes interrogées trouvent qu'aucun autre pays d'Europe ne peut conjuguer aussi bien la culture, la tradition et la modernité. Les éléments de décision pour les choix de la France peuvent englober, comme nous l'avons vu, non seulement certaines représentations de ce pays, parfois très stéréotypées et fantasmées, mais aussi et surtout des représentations de la société chinoise qui ont nécessité notre part des éclairages. Il existe réellement en Chine une représentation positive de la France et de la langue française associée à l'ampleur de la culture et de son art. En même temps, beaucoup de logiques chinoises d'évaluation interviennent dans les réflexions et les comparaisons. La dépense et la plus-value du choix, la capacité financière de la personne, la carrière future envisagée, etc. Nous constatons à travers notre enquête que les représentations chinoises de la vie en Chine constituent les facteurs de décision et occupent souvent une place plus importante que la représentation de la France elle-même. Ainsi, après une analyse des éléments qui jouent dans les décisions de départ pour la France, nous pouvons voir que le fait de se trouver à Brest est le résultat d'un mélanger du hasard, des critères pragmatiques et d'une image en général positive de la France, dont l'image romantique fait partie. Donc, quand les enquêtés expriment la vision romantique qu'ils ont de la France, ils prononcent le mot chinois « lanman ». Dans le dictionnaire français-chinois, « lanman » est traduit par l'adjectif « romantique » et le nom « romantisme ». Dans le dictionnaire français, le Petit Larousse de 2005, l'adjectif « romantique » possède deux sens. Le premier sens propre au romantisme, par exemple « littérature romantique », deuxième sens qui touche la sensibilité, invite à l'émotion, à la rêverie, par exemple site romantique. Le mot français romantique et son équivalent chinois, lanman, ont-ils les mêmes connotations? Que signifie lanman pour les Chinois? Cela est une question clé pour comprendre la phrase récurrente des Chinois, les Français et la France sont lanman. Donc, lan-man est composé de deux idéogrammes, lan et man. Le sens propre de lan est vague, soit soulèvement d'eau dans une étendue liquide. Et en ce qui concerne man, son sens désigne, quand il se rapporte à l'eau, le fait de déborder ou d'inonder. Lan prend le sens de vagabonder et errer dans les mots comme liu lan et lan ji tian ya. Lan peut aussi souvent utiliser dans le mot lanzi, qui désigne des jeunes débauchés, prodigues et vagabonds. Il existe un proverbe chinois qui dit que quand les lanzi décident de se régénérer, c'est plus précieux que l'or. C'est pourquoi dans le langage courant du chinois, quand on dit quelqu'un est lent, c'est pour dire qu'il est libertin ou vagabond. Dans les dictionnaires du chinois moderne, on voit fréquemment une première définition que l'on désigne comme le sens propre de lanman, poétique, plein de fantaisie et de rêverie. Le deuxième sens de lanman est lié au rapport amoureux, agir avec désinvolture et libertinage. Son sens figuré renvoie aux caractéristiques du séducteur impénitent. Ainsi, nous avons remarqué chez nos enquêtés deux tendances d'interprétation de lanman qui sont assez proches de ces sens dans les dictionnaires. Mais d'abord, il est important de signaler que très peu d'interviewés justifient le lanman par le sens lié à la littérature ou au courant artistique appelé le romantisme. Pour beaucoup d'enquêtés, cette notion de lanman se trouve avant tout dans les relations amoureuses. De ce point de vue, lanman peut avoir une connotation positive et négative en même temps, quand il se rapporte aux mœurs libres. La connotation positive est liée à l'expression explicite et ostentatoire du sentiment amoureux qui n'était pas dans les mœurs conventionnelles et pudiques des Finnois. Cette expression explicite concerne, par exemple, les bonnes petites surprises que l'on s'offre ou bien le fait de s'embrasser dans les endroits publics. La connotation négative, quant à elle, est liée à un profil de relation éventuellement non stable, lié aussi à des mœurs très libres. Ainsi, une relation lambda peut comprendre la première connotation positive et évoquer en même temps un manque de stabilité dans la relation. Je donne un exemple. Les Français sont lambda, mais moi j'avais un peu peur. S'ils m'aiment bien et sortent avec moi quand j'ai 25 ou 26 ans, et puis quelques années après, à 30 ans, il me dit qu'il m'aime plus, comment je fais ? Pour d'autres encore, cette image lambda correspond à certains modes de vie, disons poétiques, dans les représentations des interviewés. Nous avons distingué deux modes de vie lambda. L'un relève davantage d'une recherche spirituelle de la liberté individuelle, qui ne se soucierait pas du jugement et des conventions de la société. Par exemple, tu vois, pour nous les peintres, prendre juste son sac à dos et vagabonder, c'est une vie lambda. Mais je ne peux pas faire ça en Chine. Car si tu fais ça, tu auras des parents qui t'appellent tous les jours et qui te demandent « Est-ce que tu penses à ton avenir ?» Tandis que l'autre mode de vie lambda va plutôt dans le sens de la recherche des bienfaits de l'existence, des loisirs. En somme, des besoins des petits bourgeois, « xiaozi » comme disent les Chinois, c'est-à-dire les besoins qui ne sont plus seulement dans la survie. Un enquêté disait ainsi, les Français sont quand même plus lambda que les Chinois, mais pas uniquement au sein d'un couple, genre s'embrasser dans la rue, les jeunes Chinois font ça aussi maintenant. Les Français sont lambda parce qu'ils ont beaucoup de vacances et ils savent bien les utiliser. Même en dehors des vacances, ils font souvent des sorties le week-end. Et ils ne sont pas comme les Chinois qui pensent à économiser tout le temps. Ils savent bien profiter de la vie. En même temps, c'est normal parce qu'ils ont moins de choses à prévenir, les retraites, les soins, tout ça. Ils sont donc moins chargés. Pour d'autres, la notion de France lambda s'applique à l'ensemble des richesses touristiques et commerciales. Ils citent alors l'abondance des musées, des monuments historiques et des sites pittoresques. Ils évoquent aussi les produits de luxe, la haute couture, la gastronomie, enfin tous les éléments que vous pouvez trouver dans les communications publicitaires en Chine et que les Chinois continuent à désirer. Ainsi, un voyage à Paris est lambda. Les champs de lavande de la Provence sont lambda. Offrir un parfum est lambda pour les Chinois. En fin de compte, lambda dans le sens de relations amoureuses ou dans le sens un mode de vie offrant plus de liberté individuelle s'applique à tous les contextes, qu'ils soient associés aux Français ou pas. Néanmoins, aucune signification relevée dans les dictionnaires chinois ne correspond aux autres sens de lambda que nous avons remarqués, c'est-à-dire ceux liés au mode de vie de loisirs et à la richesse touristique et commerciale de la France. Mais ces connotations existent réellement dans l'utilisation de lambda chez ces Chinois. Non seulement à travers les propos des enquêtés interviewés, mais aussi à travers l'analyse des commentaires et descriptions concernant la France dans les médias chinois. Ces sens sont-ils trop récents et pas assez stables pour entrer dans des dictionnaires ? Nous nous sommes alors intéressés à l'association entre le mot lambda et ses connotations évoquées plus haut. Après la guerre de l'opium en 1840, la Chine se trouve en situation de défaite militaire face aux puissances occidentales. Cela a conduit les gouverneurs chinois à l'envoi d'observateurs en Europe, dans l'objectif de comprendre et d'apprendre le Sijue, c'est-à-dire le savoir occidental. Dans les journaux de ces voyages officiels, ces observateurs ont décrit la splendeur de Paris. Je vais en citer un passage. Il y a moins d'espaces de promenade et d'amusement dans la capitale française. Les Champs-Élysées sont d'une exceptionnelle largeur. L'espace est traversé d'une avenue plantée d'arbres de chaque côté qui apporte une vaste perspective de verdure. De part et d'autre se trouvent des théâtres et des salles de musique. Dans la journée, voitures et chevaux remplissent l'avenue. Dans la nuit, montrent le clameur des chansons des pipeaux. À chaque bonne occasion, jour de fête ou festivité nationale, l'on donne des pièces célèbres. Donc, ces observateurs chinois ont aussi décrit la courtoisie des Français et la coquetterie des Françaises. Les serveuses dans un débit de boissons sont de jolies filles de 16 à 17 ans, au visage ravissant, aux yeux charmants. Les danseuses sont de gracieuses fillettes, la moitié du corps dénudé. Les artistes sont toutes d'exceptionnelle beauté. Elles découvrent leur poitrine et leurs épaules avant de monter en scène, de sorte que l'éclat des lampes se reflète sur leur teint de jade. Ajoutez-y le charme de leur peau de neige et de leur visage en fleurs. On est sur le point de penser que ce sont des fées qui viennent de quitter le palais de jade pour descendre ici-bas. Donc, ces ambassadeurs ont constaté que la femme française était bien différente de la femme chinoise de l'époque. Selon eux, la première était très séduisante, fréquentait des lieux publics, était très bien habillée, bien éduquée, mais aussi et surtout était hautement respectée par les hommes français. Quand ces ambassadeurs décrivent l'image extraordinaire de ces filles françaises, ils diffusent aussi, je cite, les mœurs et coutumes occidentales avec la moitié du corps dénudé des Françaises de l'époque. Selon Monroy, cette image de Parisienne s'oriente à l'évidence vers la connotation lambda du double sens du terme. Elle est à la fois indication de débauche, de libertinage et de rêverie, de poésie. Enfin, les écrits des premiers voyageurs témoignent à quel point ils ont été séduits par les mœurs occidentales. Ce nouveau profil de femme évoqué par la plume des ambassadeurs de l'Empire en déclin a pour contexte, il faut le noter, la magnificence de la modernité de la civilisation française de l'époque. L'image d'une France hautement civilisée renforce certainement le sens moderne du mot sang, du mot lendemain. Tandis que la Chine était d'un côté encore enfermée dans son féodalisme et de l'autre déboussolée par les crises extérieures et intérieures. Elle découvrait une modernité occidentale en opposition à son tradition et à son conservatisme. Dans une publication sur la représentation chinoise des Français romantiques, Serge Dreyer nous informe que cette représentation s'inscrit, je cite, dans une opposition tridimensionnelle du système de valeurs. L'Occident contre la Chine, la modernité contre le conservatisme et la liberté individuelle contre l'intérêt du groupe. L'amour romantique organise ainsi une cohérence des significations entre la France, la modernité et la liberté. Fin de citation. Selon ces recherches citées, nous voyons qu'à la fin du 19e siècle, l'homme a déjà commencé à être associé à ces aspects matériel et culturel de la France. De nos jours, l'utilisation du mot lama fait référence à la mode française ou à un mode de vie de loisir. Cette dernière acception est-elle une popularisation et une mise à jour des sens de lama véhiculés par les textes des premiers observateurs chinois en Occident? Nous avons l'impression que lama, quand il s'applique à la mode, à la consommation ostentatoire et à la liberté individuelle, a un sens récent qui peut s'être répandu après l'ouverture et la réforme économique de la Chine. Nous estimons aussi que cette association de sens s'est établie au fur et à mesure grâce à la femme chinoise à travers sa quête d'une identité plus moderne. Selon une analyse sur les magazines féminins en Chine de Julia Andrew et Shen Kui-yi, dans le livre Popular China. Depuis la fin des années 90, la Chine a vécu une réorganisation sociale à travers le couple consommateur, dont le fondement est la femme chinoise. D'ailleurs, la vision moderne de la vie a été diffusée en Chine par les magazines de mode et de style destinés aux femmes. Ces magazines d'origine occidentale ont eu une fonction importante dans le changement de l'image du rôle que doit jouer la femme au sein de la famille et de la société. Dans la Chine des années 90, qui commençait à se désenclaver, la majorité de la population restait pauvre. La description de la vie à l'étranger dans les magazines de mode alimentait chez les Chinois des rêves qui paraissaient réalisables pour tous. Les magazines féminins étaient occupés par quelques grandes publications, Elle, Cosmopolitan, How, Metropolis. Dans Elle comme dans Cosmopolitan, il existe une préférence pour les modèles femmes blanches qui sont nettement plus sexy que les modèles femmes chinoises. Ces derniers y posent d'une façon plus modeste et moins dévêtue. Le public ciblé par ces magazines est une nouvelle classe professionnelle montante, les femmes aisées et cultivées. Et en effet, les éditeurs et les vendeurs ont l'impression que leur clientèle principale se compose des jeunes femmes qui travaillent dans les entreprises privées. Dans la Chine des années 90, travailler dans une entreprise privée est souvent synonyme de bonne rémunération. Dans les villes modernes comme Beijing et Shanghai, les femmes qui ont réussi portent les vêtements importés, des bijoux en or, etc. Et parfois, les jeunes femmes des rues de Shanghai ressemblent exactement aux mannequins du magazine Elle. Il semble que les lecteurs utilisent des magazines pour diminuer la distance entre ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent être. Ces phénomènes que nous venons de décrire est exactement l'un des rôles des magazines de mode. Comme l'explique l'anthropologue britannique Brian Moran, les magazines de mode et les médias qui leur sont associés sont les apôtres qui portent la bonne parole de la mode. Non seulement ils forment le public le plus large possible sur les dernières innovations des créateurs, mais il légitime aussi la mode en éduquant le public et en lui expliquant pourquoi la mode est importante. Je cite, « Leur rôle est donc double, une diffusion de l'information qui permet aux producteurs d'être connectés aux consommateurs et une mise en forme culturelle de la mode qui lui permet d'être perçue comme une activité légitime. » Enfin, cet auto-apprentissage de mode de vie occidental se situe avant tout dans un contexte d'ouverture progressive de la Chine et un accroissement de la présence des produits occidentaux mis à la disposition des Chinois. Selon Wang Yifan, l'auteur du livre « Les marques en Chine », dans la nouvelle société de consommation après le maoïsme, les consommateurs chinois ont connu trois phases de consommation des marques occidentales. La première de 1979 à 1991, période qui correspond au début de la connaissance des marques, après plusieurs décennies d'économie planifiée. Le deuxième, c'est de 1991 à 2000, période de mise en route de l'économie de marché, qui s'accompagne de l'invitation officielle du gouvernement chinois faite aux entreprises multinationales pour s'installer en Chine. Leurs produits sont alors pendant longtemps des garanties d'excellente qualité et en raison de leurs prix élevés, les signes de réussite sociale. Le troisième période, donc de 2001 à maintenant, les retombées de l'entrée de la Chine dans l'OMC sont gigantesques. Les marques occidentales sont désormais omniprésentes dans la vie quotidienne des Chinois et leurs prix sont plus accessibles. Mais ces marques ont tout de même un rôle de leader. Le mode de vie occidental introduit par les produits occidentaux pénètre dans la vie des Chinois comme les gouttes d'eau qui disparaissent dans la terre sans bruit sans marque et sans qu'on puisse finalement les distinguer ou les séparer. Cette influence du mode de vie occidental s'est bien sûr parallèlement répandue à travers les médias chinois, dont les magazines de mode que nous venons de citer. L'association de l'anma au luxe et à la mode doit être récente pour les Chinois, car selon Veblen, la mode est un produit dérivé de la consommation ostentatoire de la classe de loisirs. Et selon Bourdieu, la mode vient du besoin de distinction des classes supérieures et du besoin d'imitation des autres classes. Ainsi, il est fort possible que la compréhension chinoise de l'anma n'était pas liée aux produits de luxe avant l'essor économique, avant qu'une partie des gens soit devenue riche, avant l'apparition d'une nouvelle classe, la classe moyenne, et avant que les valeurs de consommation et de loisirs n'imprègnent l'esprit des Chinois. D'ailleurs, il est intéressant de voir la ressemblance sociale entre la France du 19e siècle et la Chine d'aujourd'hui, où l'on voit l'expansion de la mode en tant que phénomène social. Donc, la mode française a étendu son emprise au 19e siècle pendant, je cite, la période de la grande puissance, l'intérêt pour le vêtement et le renouvellement des formes atteint en France de nouvelles catégories sociales. Il s'agit là d'une des conséquences les plus communément visibles du célèbre « Enrichissez-vous ». Fin de citation. Depuis 30 ans, le coût de la mode vestimentaire en Chine ne fait qu'augmenter. Cette ressemblance sociale correspond donc à l'appel « Enrichissez-vous » de Deng Xiaoping, la croissance économique et à la naissance d'une nouvelle classe sociale en Chine. C'est sans doute en raison de ces éléments préalables de conditions économiques et sociales favorables que la mode est devenue un phénomène social en Chine. Et c'est la France, ou plus précisément Paris, qui en est la référence. Paris, en tant que capitale de la mode du XXe siècle, est évidemment la phare de cette nouvelle quête des Chinois. Cette reconnaissance vient aussi des efforts de la France. Je cite, la France du XXe siècle a pu s'auto-investir d'une nouvelle mission, donner sa mode au monde. Et comme pour mieux affirmer ce pouvoir nouveau, tout le poids de l'image de la mode de la France s'est quasi simultanément concentré sur le seul nom de Paris. Depuis l'industrialisation de la mode et de la confection du prêt-à-porter dans la seconde partie du XXe siècle, aucun des industriels français du secteur désireux d'exporter sa production ne prendrait le risque d'imprimer sur l'étiquette une autre origine que Paris. Fin de citation. D'ailleurs, la mode française ostentatoire a tenu une place très importante dans les pays d'Asie les plus développés. D'abord au Japon, après 1960, ensuite à la fin du 20e siècle, dans les zones des quatre petits dragons, c'est-à-dire Taïwan, Hong Kong, Corée du Sud et Singapour. Dans ces zones nouvellement développées, la mode française ostentatoire s'est accommodée, au moins pour le Japon, un soif inextinguible de reconnaissance politique et d'appropriation culturelle des symboles occidentaux. Cette mode ostentatoire de la France, dont le coût élevé est visible, a également et surtout satisfait, je cite, le besoin qu'ont les nouvelles classes dirigeantes, les industriels et leurs cadres de marquer leur prestige social et leur puissance économique et financière. Fin de citation. Il semble que cet enchaînement de la croissance économique, de l'apparition de nouveaux riches et de leur quête de la distinction à travers la mode ostentatoire de la France passe maintenant en Chine. Donc, ma conclusion est ainsi. L'utilisation de l'anma est liée à la modernité de l'Occident représente pour la Chine. Les nouveaux sens de l'anma correspondent à deux formes différentes de la modernité occidentale qui sont l'entrée de l'Occident militaire en Chine qui accompagne le déclin du vieux Empire chinois après 1840 et l'entrée des produits importés et du mode de vie occidental après l'ouverture de la réforme et économique de la Chine en 1979. Les Chinois très nombreux qui vivent actuellement dans une société de boom économique et de grande concurrence permanente sont pleinement dans le besoin de la distinction. Cette distinction peut se faire à travers un diplôme, un séjour à l'étranger, la course à la mode vestimentaire, etc. Dans le contexte d'une telle logique sociale, l'Occident, comme la France, porte toujours une image de supériorité. Cependant, Brest et la Bretagne ne correspondent pas à ces représentations que les Chinois se font de l'Occident, dont l'apanage est la modernité depuis un siècle et demi. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Il fait chaud. C'est là que tu as un peu soif, je trouve. J'ai essayé d'ouvrir. Comment on coupe?